إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui le 17 Ramadan, le dimanche 17 Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 10 mai 2020, afin de poursuivre ensemble notre étude de la vie de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Donc, subhanallah, je viens d'y penser. On a parlé hier, le 16 Ramadan, du début et des préparatifs de la bataille de Badr. Et aujourd'hui, inshallah, nous allons parler du déroulement de cette bataille. Et ça n'a pas été fait exprès de ma part, mais subhanallah, c'est exactement dans ces dates et dans cet ordre que s'est déroulée cette bataille. Comme on a vu les préparatifs du prophète alayhi salatu wassalam et le jour dans lequel s'est déroulée cette bataille, également c'était comme aujourd'hui le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Et c'était le premier Ramadan pour les musulmans. Car Ramadan, comme on a vu, a été prescrit dans le mois de Sha'ban. Ramadan a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Sha'ban. Quelques jours seulement avant le début de Ramadan. Et plus exactement, c'était vers la moitié de Sha'ban, avec le changement de Qibla et également avec la prescription de la zakat al-fitr. Et non pas zakat al-mal, zakat al-fitr, qui est lié au jeûne de Ramadan. Le Nabi alayhi salatu wassalam a préparé, quand il a entendu parler de la sortie de cette caravane commerciale dirigée par Abu Sufyan Sakhr ibn Harb, il a consulté ses compagnons radiyallahu anhum. Il a demandé leur avis pour sortir, intercepter cette caravane. Ils ont accepté. Ils étaient tous d'accord. Et effectivement, le Nabi al-Sallam est sorti pour cette bataille. Après cette première consultation de ses compagnons qu'on a vu, il est sorti, alayhi salatu wassalam, sans avoir fait beaucoup de préparatifs pour cette sortie. Car le but était uniquement d'intercepter une caravane commerciale dans laquelle il y a entre 30 et 4 hommes. Donc il n'y a pas besoin de grand chose. Et Nabi alayhi salam a demandé à ce qu'il accompagne dans cette bataille uniquement ceux qui étaient présents et dont les montures étaient prêtes. Au point où certains compagnons ont demandé d'aller chercher leurs montures juste chez eux. Et Nabi alayhi salam n'a pas accepté. il a dit uniquement ceux qui sont présents. Et il y a des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala en cela. En tout cas, ils sont sortis dans un petit nombre. Ils étaient à peu près, yani, un petit nombre, mais vu les circonstances, quand même, c'est un nombre important. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande seulement à ceux qui sont présents, il y a 300 et quelques qui sortent avec lui. Entre 313 et 319. Qui sont sortis avec lui, alayhi sallatu wassalam. Et ils étaient très peu équipés. Ils avaient uniquement 2 chevaux et 70 chameaux. Mais ça, normalement, ça suffit largement pour intercepter une caravane commerciale dans laquelle il y a beaucoup moins d'hommes et en plus, ils sont pas armés pour la guerre, tout ça. Ils sont pas préparés au combat. Et Nabi alayhi sallam a laissé comme responsable sur la prière Abdullah ibn Ummi Maktoum radiallahu anhu. Et sur sa route, il a demandé à Abu Lubaba ibn Abdel Munzir radiallahu anhu, un des 12 qui ont été choisis lors de Bay'at al-Aqaba al-Thaniya, le deuxième pacte d'allégeance de l'Aqaba, il a été choisi parmi les 12 référents et responsables de l'Madina vers lesquels les gens devront revenir. Abu Lubaba ibn Abdel Munzir, un grand compagnon radiallahu anhum, tous. Donc il lui a demandé de retourner à Médine et il l'a désigné comme responsable de l'Madina. Et Abdullah ibn Ummi Maktoum était responsable de la prière. Et sur le route, il s'alternait à dos de chameau, chacun monte à son tour, par 3, par 4, plus, moins, car ils étaient beaucoup plus nombreux que le nombre de chameaux qu'ils avaient. 70 pour 300 et quelques. Et ça, on l'a vu, même le Nabi alayhi salam, il montait à tour de rôle avec Ali radiallahu anhu. Et Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi radiallahu anhu, après le retour de Abu Lubaba, qui montait avec eux. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, malgré son statut, malgré son âge, ils lui ont demandé, quand c'était à son tour de marcher, de rester sur le chameau, que eux, ils pouvaient marcher. Ali est beaucoup plus jeune, radiallahu anhu. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a refusé. Il a dit, « Ma antuma bi aqwa minni » Vous n'êtes pas plus fort que moi. Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Et je ne me passe pas de la récompense d'Allah Azza wa Jalla. Et j'ai besoin de la récompense d'Allah Azza wa Jalla comme vous. Comme vous, j'ai besoin d'être récompensé pour cet effort dans le fait de marcher. Le Nabi alayhi salatu wassalam, dans cette armée, il a désigné un homme pour porter l'étendard des croyants dans la bataille, qui était Mus'ab ibn Umair. Et il a choisi d'autres hommes pour porter les drapeaux des muslimines. Et les drapeaux dans cette bataille étaient de couleur noire, et celui qui portait le drapeau des émigrés, c'était Ali, radiallahu anhu. Et celui qui portait le drapeau de Sa'd ibn Mu'ad, c'était de l'Ansar, c'était Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhu. Et ils sont sortis, et le Nabi alayhi sallam a envoyé des hommes pour prendre des informations et savoir où est-ce qu'elle était arrivée, la caravane de Abu Sufyan. Et Abu Sufyan également, à son tour, il a entendu parler de la sortie du prophète alayhi sallam pour prendre sa caravane commerciale. Et il a envoyé immédiatement un homme qui s'appelle Damdam ibn Amr al-Ghifari à Mecca pour les avertir et les appeler à sortir pour protéger leur caravane commerciale et leurs biens. Effectivement, ils sont sortis et ils se sont préparés tellement et au point où personne ne s'est absenté dans cette armée de Quraysh qui était dirigée par Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, au point où personne ne s'est absenté parmi les hommes connus et les têtes de kuffar de Quraysh, excepté Abu Lahab, qui a choisi, qui n'a pas pu sortir, mais qui a choisi un homme pour le remplacer, qui s'appelle Al-As ibn Hisham, contre une dette qu'il avait sur lui, et il lui a effacé la dette contre le fait de sortir à sa place. Et Kuffar Quraysh se sont préparés comme jamais, car c'était très attendu ce moment, même pour eux. La vengeance, après que les muslimines ont pris une de leurs caravanes commerciales. Et ça, ça touche à l'honneur d'une tribu. Quand on attaque ta caravane commerciale, c'est qu'on n'a pas peur, qu'on n'a pas peur de toi. Donc ça touche leur fierté et leur orgueil. C'est pour ça que c'était une occasion de vengeance et également afin de protéger leurs biens. Et ils sont sortis comme Allah Azza wa Jal les a décrits. Bataraw wa ri'a'an nas. Ils sont sortis dans leur orgueil et dans leur ostentation. Et vantardisme sont sortis pour détourner les gens du sentier d'Allah. Ils sont venus avec une colère et une fureur immense contre le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Et Allah Azza wa Jal, avec sa sagesse absolue, il les a réunis tous pour les croyants sans rendez-vous. Et comme Allah a dit, même s'il y avait rendez-vous, ils vous auriez certainement manqué votre rencontre. Mais Allah entendait exécuter un décret qui devait l'être immanquablement. Subhanahu wa ta'ala. Comme je vous ai dit, cette bataille a changé le cours de l'histoire. Et c'était un événement majeur dans l'histoire de l'islam, l'islam avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son sens général. Mais dans son sens particulier, l'islam, il désigne avec quoi était envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam, c'est la soumission à Allah. Et tous les prophètes sont venus avec la soumission à Allah, avec tawhid et l'obéissance au messager. Et ce qui variait d'un prophète et d'un messager à un autre, c'était les législations. Et la dernière de ces législations, et la plus parfaite et la plus complète, c'est la législation avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la dernière des législations. Et elle doit faire face à tous les problèmes de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a pas un problème que rencontrent les croyants, que rencontrent les musulmans, que rencontre l'humanité sans que sa solution ne se trouve dans la révélation d'Allah Azza wa Jal, à savoir le livre, le Coran et la Sunna authentique, qui est la deuxième révélation. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a su que Quraysh était sorti, il a consulté ses compagnons une deuxième fois. Donc là, c'est la deuxième fois, il va les consulter. Est-ce qu'on continue? Kuffar Quraysh sont sortis maintenant. Ça donc, yani, c'est pas comme avant. C'est pas le même objectif qu'avant. L'objectif avant, c'était uniquement la caravane commerciale. Maintenant, l'objectif, c'est qu'on va poursuivre dans le but d'avoir cette caravane commerciale, mais il se peut qu'il y ait une grande bataille. Avec les éléments qu'on a en main, notre petit nombre par rapport au grand nombre de Quraysh, nos manques de préparatifs par rapport aux leurs, tout ça, il faut le prendre en considération. C'est pour ça que le Nabi alayhi sallam a consulté une deuxième fois les compagnons radiallahu anhum. Il a entendu des belles paroles de la part des muhajirines, mais il souhaitait entendre les Ansar. Comme j'ai précisé, parce que l'Ansar ont fait un pacte d'allégeance avec lui, afin de le protéger, lui, dans sa personne, et protéger sa da'wa, dans le Madina, et pas à l'extérieur. C'est pour ça, il fallait leur avis avant de prendre une décision importante. Et celui qui s'est levé, après que le Nabi Issa Salam, il a consulté, l'Ansar ont compris que c'était eux qu'ils visaient. Et celui qui a parlé, c'était Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, le maître de l'Ansar. Il a dit au messager d'Allah, peut-être tu nous vises, nous, par Allah, si tu souhaites traverser avec nous, si tu souhaites qu'on traverse derrière toi, cette mer, on la traversera. Et personne parmi nous ne se désistera. Et on sera tous avec toi. Et peut-être qu'Allah Azza wa Jalla te fera voir dans cette bataille de nous les choses desquelles tu vas te réjouir. C'est-à-dire notre force dans le combat et notre fermeté et notre ardeur dans le combat. Radiallahu anhu. Et là, le Nabi Isa Salam s'est beaucoup réjoui de ces belles paroles qu'il a entendues et de ces signes de la foi de ces hommes et de leur force de foi, et il leur a annoncé une bonne nouvelle. Après qu'il ait entendu ça, il leur a dit, avancez alors, et je vous annonce la bonne nouvelle, Allah m'a promis un des deux clans, ou une des deux choses, la caravane commerciale ou la victoire contre vos ennemis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam effectivement a continué sa route jusqu'à ce qu'il est arrivé proche de Badr, de cet endroit de Badr. Il a envoyé des compagnons, radiallahu anhu, pour prendre des nouvelles, et on a vu qu'ils ont attrapé deux esclaves appartenant à Quraysh, et ils les ont interrogés, et qu'ils ont dit qu'ils étaient à Quraysh, et non pas à Abu Sufyan. Mais certains compagnons auraient préféré que ce soit des esclaves à Abu Sufyan. Donc c'est un signe que la caravane est proche, et non pas que l'armée des Quraysh est proche. Parce que comme ils sont sortis, ils sont pas préparés, et en plus Quraysh ils sont extrêmement bien préparés, ils ont préféré la chose la plus facile. Mais Allah Azza wa Jal a voulu autrement. Subhanahu wa ta'ala. Et Abu Sufyan également a envoyé des hommes pour prendre des nouvelles. Et il a fini par savoir que le Nabi Aïssalam et son armée n'étaient pas loin. C'est pour ça qu'il a décidé immédiatement de changer de route. Il a changé de route et il est parti vers la route côtière, au bord de la mer. Et finalement, il a réussi à sauver sa caravane commerciale. Il a réussi à sauver sa caravane commerciale. Et quand il était sûr que sa caravane était sauvée, il a envoyé un homme pour informer Kuffar Quraysh qui était arrivé à ce moment-là vers Al-Juhfa. Vers Al-Juhfa, à peu près à 240 kilomètres de Medina. Ils étaient arrivés à peu près à mi-route de Al-Madina, et il a envoyé un homme pour les informer que c'était plus la peine, que la caravane commerciale est sauvée et que vous pouvez faire demi-tour. Et quand Abu Jahl, le chef de cette armée, a entendu ça, il a dit par Allah, nous allons pas faire demi-tour. Et nous allons continuer sur notre route jusqu'à atteindre notre destination, c'est-à-dire Badr. Et on va y rester 3 jours. Et nous allons boire l'alcool là-bas, boire le vin et entendre la musique et les chants des femmes. Et au bout des 3 jours, on repartira. S'ils ne viennent pas, si les musulmans ne viennent pas. Il a dit, ainsi tous les Arabes vont nous redouter. Al-Akhnas ibn Shariq, qui était dans cette armée et qui est sorti déjà à la base avec sa tribu, malgré lui. Il faut savoir, les Arabes, ils ont des choses, c'est la fierté, c'est l'honneur, c'est la tribu. Mais au fond de lui, il n'est pas convaincu, il veut pas, mais il va le faire quand même. Parce que c'est l'honneur, c'est la fierté, ces choses qu'ils avaient. Donc, Al-Akhnas ibn Shariq, quand il a entendu que la caravane commerciale a été sauvée et que elle court aucun danger, il a dit, nous on est sortis pour la caravane commerciale et pour la protéger. Et non pas pour les combattre, à les protéger, alhamdoulillah, on revient. Et il n'était pas d'accord avec Abu Jahl. Et il a pris toute sa tribu, ils sont repartis. Il ne restait avec eux dans l'armée de Quraysh que 2 hommes de cette tribu, qui sont les oncles d'un grand imam de Tabi'in qui s'appelle Ibn Shihab al-Zuhri, un des chouyours de l'imam Malik. Et quand Nabi Isa al salam s'est approché davantage de Badr, de l'endroit dans lequel allait se dérouler cette grande bataille, il a placé l'armée à un endroit qui était certes un endroit stratégique du point de vue que c'est un endroit protégé de tous les côtés. Et dans les guerres, ce qui était cherché, c'était ça. C'est d'avoir l'ennemi que d'un côté. Comme ça, on assure notre arrière et les côtés et le combat, il se déroule de devant. Et ça, c'était l'idéal dans les combats. Mais il est intervenu un sahabi, radiyallahu anhu, qui s'appelle Al-Hubab ibn Amr. C'est ce que l'imam ibn Kathir a dit. Mais, dans le commentaire, ils disent que son nom, c'est pas Al-Hubab ibn Amr. C'est Al-Hubab ibn al-Munzir. C'est ça son vrai nom. Et ça doit être une erreur, ou bien une erreur de frappe ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il s'appelle Al-Hubab ibn al-Munzir ibn Amr, et non pas Al-Hubab ibn Amr. C'est un compagnon parmi les Ansar qui a participé dans la bataille de Badr et qui a vécu jusqu'à la gouvernance de Umar ibn al-Khattab. Il avait plus de 50 ans. Il est décédé dans la gouvernance de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc Al-Hubab ibn al-Munzir, radiyallahu anhu, a dit, écoutez mes frères, ce que cet homme va dire. Beaucoup de sagesse et beaucoup de adab avec le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Il a dit, ô messager d'Allah, cet endroit dans lequel tu t'es arrêté et duquel tu vas mener cette bataille, est-ce que c'est un endroit, le fait de s'arrêter dans cet endroit, est-ce que c'est une chose qu'Allah t'a ordonné? Ou c'est les techniques de guerre, les plans et les stratégies de guerre et la ruse dans la guerre? Donc est-ce que c'est quelque chose avec de la part d'Allah, donc la révélation, ou c'est une stratégie de guerre tout simplement que tu as vue? Pourquoi il dit ça? Il dit ça, si jamais c'est la première hypothèse et que c'est la révélation d'Allah, donc il n'aura pas d'avis ni de parole avec la révélation. Et ça, c'est la règle que les savants appellent l'ijtihada ma'an-nas. Il n'y a pas d'effort d'interprétation et de donner un avis, de sortir un autre avis quand il y a un avis cité dans les textes. quand les textes donnent un avis clair et explicite, il n'y a plus de jihad. Et tout ijtihad est rejeté. Mais l'ijtihad, c'est quand il y a une ambiguïté, quand il y a un manque de clarté dans un point, quand il y a une confusion, quand on pense qu'il y a une contradiction et des choses comme ça. Mais quand le texte est clair et explicite et authentique, il n'y a plus de jihad. C'est pour ça que ce sahabi radiallahu anhu a eu ce adab. Yani, et ce style qu'il a eu radiallahu anhu, si c'est une révélation, on s'arrête là et on suit. Si c'est quelque chose que tu as vu de toi-même, alors peut-être que j'ai une meilleure idée. Et ensuite, Nabi alayhi sallam lui a dit, non, c'est une station dans laquelle on s'est arrêté pour la guerre, dans le cadre des techniques de guerre et des stratégies de guerre. Après le Hubab, radiyallahu anhu, il a dit au prophète, alayhi sallam, alors c'est pas ici qu'on doit s'arrêter au messager d'Allah. Il lui a dit, on va continuer jusqu'à être de l'autre côté de la place de Badr, dans laquelle va se dérouler la bataille. C'est-à-dire, on va se placer non pas du côté qui est proche de Medina, mais du côté qui est proche de Mecca, de cette place. Car dans cet autre côté, malgré l'avantage qu'il y avait dans le premier côté que je vous ai cité, dans ce deuxième côté, il y a un autre avantage qui est beaucoup plus important. C'est que les puits dans cette place de Badr, ils se trouvent de l'autre côté. Et ainsi, les croyants et les musulmans vont être proches de ces puits. Et donc, ça, c'est une position extrêmement stratégique pour une bataille. Quand Kuffar Quraysh vont arriver, bien évidemment, ils auront traversé toute cette distance et ils vont arriver. En général, ils ont consommé l'eau qu'ils avaient, tout ça, donc ils vont avoir besoin d'eau pour boire. Et ça, c'était très très bien vu de la part de l'Hubab ibn al-Mundhir radiyallahu anhu. Et il a dit au prophète alayhi salam, on va s'arrêter à cet endroit et on va fermer tous les puits qu'il y a dans cet endroit, la région de Badr. On va tous les fermer et on va laisser une puits autour de laquelle on va construire un bassin qu'on va remplir avec de l'eau et on va l'utiliser pour boire nous. Par contre, eux, quand ils vont arriver, ils vont trouver tous les puits fermés et ils vont manquer d'eau. Et ça va jouer en notre faveur. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a aimé cette opinion de ce compagnon radiallahu anhu. Il a ordonné son exécution. Effectivement, ils se sont installés à l'endroit qu'a recommandé le Hubab radiallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette nuit, c'est-à-dire la nuit qui va précéder la bataille de Badr, la nuit du vendredi 17. Le vendredi 17, c'est le vendredi dans lequel s'est déroulée la bataille de Badr, 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. La première bataille dans laquelle les musulmans ont combattu. Et cette pluie qui est tombée cette nuit-là, ça a permis de raffermir la terre et de la rendre solide, afin que quand tu marches par-dessus, yani, tes pieds ne rentrent pas dans la terre et dans le sable. Et ça, c'était à l'avantage des compagnons radiallahu anhum et des musulmans. Et ça a défavorisé Kuffar Quraysh, en plus de ne pas avoir accès à l'eau. Et Allah Azzawajal leur a préparé le terrain avec cette pluie. En plus, c'est une pluie avec laquelle Allah Azzawajal les a purifiés. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, « Idh yughashshikumu an-nu'asu amanatan » إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Dans le sens approximatif de ce verset, dans Sourate Al-Anfal. Et en parlant de Sourate Al-Anfal, cette Sourate qui a été révélée à l'occasion de la bataille de Badr, j'ai fait une erreur quand j'ai confondu avec Sourate Al-An'am, qui a été révélée en une seule fois sur le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, excepté deux versets. Mais sinon, c'est une sourate que les savants disent qui a été révélée en une seule fois. C'est sourate Al-An'am. Et non pas sourate Al-Anfal. Sourate Al-Anfal a été révélée dans sa globalité au sujet de la bataille de Badr. Au sujet de la bataille de Badr. Donc, veuillez bien prendre note de ce point. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens approximatif du verset, et souvenez-vous, quand il vous enveloppa d'un sommeil sécurisant et du ciel fit descendre sur vous une eau pour vous purifier, éloignez de vous les suggestions abjectes de Shaitan, stimulez vos cœurs et raffermir vos pas. Donc Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur eux également un petit sommeil juste avant le début de la bataille. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Et ça ne peut arriver qu'un croyant. Ça ne peut arriver qu'un croyant. Les rangs sont alignés. La bataille peut avoir lieu à n'importe quel moment. Et toi, t'es pris par une petite somnolence qui va t'apaiser et te reposer. Et que tu vas mener cette bataille dans cet état d'esprit d'apaisement et de sérénité. Et ça, imagine, t'as en face de toi des gens, des hommes avec des épées qu'ils ont préparées, certains toute leur vie, comme on va voir avec l'épée que Sa'd radiallahu anhu a récupérée. Des hommes forts et expérimentés dans les guerres. Et toi, tu arrives à t'endormir. En général, les gens n'arrivent pas à s'endormir dans des états comme ça. Mais seuls les croyants s'endorment dans des états comme ça. Donc le fait d'être pris par ce petit sommeil, très court, mais très bénéfique pour le corps et pour le cœur, ça c'est un signe de la foi. Comme le fait de dormir dans l'adoration, ça vient de Shaitan. Nous par contre, qu'Allah nous pardonne, ce qui nous arrive c'est de dormir dans les adorations, dans salat, ou quand on récite le Coran, on est pris par un petit sommeil comme ça. Et ça, ça vient de Shaitan. Contrairement à ce petit sommeil dans une bataille, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un signe de foi. Donc, Allah Azza wa Jal dit, il vous enveloppa dans un sommeil sécurisant. Et il a fait descendre du ciel une eau pour vous purifier. Et pour éloigner de vous les suggestions abjectes de Shaitan. Et ces suggestions, c'est que certains compagnons, quand ils ont su que la caravane a échappé et que ce qui reste maintenant, c'est uniquement la bataille contre Kuffar Quraysh, il y a eu un peu de waswas qui est venu. Et que nous, on est dans un petit nombre, on n'est pas préparé, mais Allah Azza wa Jalla avec cette pluie, il les a débarrassés de tout ça. Et ils étaient tous fermes sur la rencontre de leur ennemi. Et ça, bien évidemment, c'est avant que la décision ne soit prise. Une fois que la décision est prise de la bataille, plus personne ne discute ni nommé d'avis contraire. Radiallahu anhum. Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma adraka ma les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cette pluie, il a stimulé vos cœurs et il a raffermi vos pas comme on a vu. C'est-à-dire que la terre est devenue ferme. Et la terre a été préparée pour cette bataille par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons, avec la recommandation de Sa'd radiallahu anhu, ils ont construit pour le prophète alayhi salatu wassalam un arish. L'arish, c'est comme une tonnelle, ou là une voûte, ou là une petite construction qu'ils ont fait pour le prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'il reste dans cette tonnelle, afin de le protéger alayhi salatu wassalam. Et Nabi alayhi salatu wassalam n'est pas resté tout le temps dans cette tonnelle. Nabi alayhi salatu wassalam, bien évidemment, a participé dans la bataille. Et comme l'a décrit Ali radiallahu anhu, quand l'intensité, c'est-à-dire quand le combat s'intensifiait, il venait se protéger derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, c'était l'homme le plus proche des mécréants dans la bataille. Radiallahu alayhi salatu wassalam et radiallahu anhu les compagnons. Qu'Allah agrée tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont construit cette tonnelle pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, avant l'arrivée de Kuffar Quraysh, parce que eux, les musulmans sont arrivés bien avant eux. Avant l'arrivée, et dans la nuit qui a précédé la bataille, le Nabi alayhi salatu wassalam marchait dans la place dans laquelle allait se dérouler cette bataille, la place de Badr, et il leur montrait dans les endroits dans lesquels seront tuées les têtes des mécréants de Quraysh. L'un après l'autre. Et il disait, ça c'est l'endroit dans lequel sera tué un tel. Et là c'est l'endroit dans lequel sera tué un tel. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, par celui qui l'a envoyé avec la vérité, personne n'a été tué dans un endroit différent que celui que le prophète alayhi sallam nous a indiqué. Et cette nuit, la nuit du vendredi 17 Ramadan, le Nabi alayhi sallatu wassalam, il l'a passé dans l'invocation d'Allah et dans la salat. Il était en face d'un tronc d'arbre et il a passé sa nuit, toute sa nuit, dans la salat et dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Et comme a dit Ali radiallahu anhu, il a dit, tous cette nuit ont dormi, excepté le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a prié en direction d'un tronc d'arbre toute la nuit jusqu'au matinée. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté dans d'autres hadiths, quand c'était une affaire importante, il accourait vers la salat. La salat, kana idha hazabahu amrum fazi'a ila salat. Il disait, arihna biha ya Bilal, repose-nous avec la prière au Bilal. Donc à chaque fois que Nabi alayhi salam, il avait un problème, il avait quelque chose, il allait vers la salat, il priait pour Allah subhanahu wa ta'ala et il l'invoque alayhi salatu wassalam. Et à la matinée de ce vendredi, Quraysh est arrivé sur les lieux de la bataille. Quraysh est arrivé avec ses bataillons, et quand Nabi alayhi salam les a aperçus, il a dit, « Oh Allah, voici Quraysh qui est arrivé dans toute sa fierté et son orgueil, te défiant et défiant ton messager. » Et il a invoqué Allah contre eux. Et quand les deux clans étaient prêts, et avant le début de la bataille, le Nabi alayhi salam a donné certaines recommandations à ses compagnons. Il leur a dit, ne tuez personne des Banu Hashim et prenez-les uniquement en otage et prisonniers. Prenez-les uniquement prisonniers. Il a cité quelques noms des Banu Hashim. Les Banu Hashim, c'est sa tribu à lui, alayhi salatu wassalam. Il a cité Abu al-Bakhtari ibn Hisham. Il a cité son oncle Abbas, parmi d'autres. Mais il a donné une consigne générale à ce qu'on tue personne parmi les Banu Hashim et qu'on les prenne uniquement prisonniers. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est sa famille. Et ça, on va le voir dans d'autres choses où le Nabi alayhi salam, il favorise pas quelqu'un de sa famille parce qu'il est de sa famille. mais parce qu'il y a une raison, c'est que les Banu Hashim, ils ne voulaient pas sortir dans cette bataille avec Quraysh, mais ils sont sortis malgré eux. Et c'est rapporté que l'Abbas, même l'Abbas radiallahu anhu, il est sorti dans cette bataille alors qu'il avait déjà accepté l'islam. Et dans d'autres versions, il l'a accepté après sa capture dans la bataille de Badr, radiallahu anhu. Et Abu al-Bakhtari ibn Hisham, Nabi al-Sallam l'a cité parce que cet homme, si vous vous rappelez, il avait un rôle capital dans l'annulation de cet écrit qui avait pour but de boycotter le prophète al-Sallam et sa famille. Et lui, il avait un rôle capital dans son annulation. Et avant également le début de la bataille, deux hommes parmi Kuffar Quraysh, le premier c'est Hakim ibn Hizam, et le deuxième c'est Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a, c'est parmi les têtes des mécréants. Lui ainsi que son frère, Shayba ibn Rabi'a. Ils ont dit à Quraysh, pourquoi vous voulez les combattre? Et ils ont tout fait pour les convaincre de ne pas rentrer dans le combat et de faire demi-tour, au point où Shaykh Utba ibn Rabi'a, qui est un des plus nobles et des têtes de Quraysh, il leur a dit, dites que c'est moi qui ai eu peur et mettez-moi ça sur le dos et faites demi-tour et ne combattez pas. Ils ont dit ça de par l'expérience qu'ils ont dans les batailles. Et en plus, ils voyaient les compagnons, radiallahu anhum, comment ils étaient, radiallahu anhum, yani, dans ce combat. Et comment ils étaient, yani, ils voyaient leur visage, au point où certains ont dit, yani, Allah, yani, celui qui a dit ça, na'am, effectivement, c'est Utba ibn Rabi'a, lui-même. Il a dit, je vois des hommes dont les têtes sont semblables aux serpents et dont les visages sont semblables à des épées. Yani, la détermination, tu la lis sur leur visage, les visages des compagnons, radiallahu anhum. Et la force et la détermination et l'ardeur, tout ça se voit sur leur visage. Et lui, il a vu ces choses-là. C'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'on fasse demi-tour. Mais Abu Jahl a refusé. Et il même, il l'a insulté et c'était à deux doigts d'avoir yani, une division dans les rangs de Kuffar Quraysh. Et il l'a accusé d'être un peureux et de manquer de courage. Et Abu Jahl, ainsi que d'autres kuffar, Allah Azza wa Jalla leur a fait voir les compagnons en petit nombre. Et ils ont cru que c'était facile de les vaincre. Plus de 1000 hommes extrêmement bien armés contre 300 et quelques qui sont quasiment pas du tout armés. Donc pour eux, c'était, ça allait être en leur faveur rapidement. Et ça, Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans le Coran. Et quand Abu Jahl a vu que certains, et Hakim ibn Hizam, il a dit la même chose. Il a dit la même chose que Utba ibn Rabi'a. Il a dit, il a conseillé à ce qu'on rentre pas dans le combat. Mais Abu Jahl, quand il a vu que certains ont commencé à donner des avis comme ça, et que ça commence à faiblir les esprits de son armée, qu'est-ce qu'il a fait cet ennemi d'Allah? Il a demandé au frère de Amr ibn al-Hadrami, celui qui a été tué par les compagnons à Nakhla. Si vous vous rappelez la caravane qui a été prise par les compagnons dans le mois sacré de Rajab. Et on a vu qu'ils ont tué un homme qui s'appelle Amr ibn al-Hadrami. Il a demandé à son frère de se lever et de dévoiler son aura, son derrière, et de crier et de demander la vengeance de son frère Amr ibn al-Hadrami. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il disait « Wa Amra, wa Amra ». Il faisait des élégies de son frère Amr ibn al-Hadrami, qui était un des notables de Quraysh. Et de cette manière, il a chauffé l'armée des kuffars de Quraysh et la guerre a démarré. Avant le démarrage de la guerre, on va aller dans les rangs des muslimines. Nabi alayhi salam, à son tour, il a commencé à aligner les rangs. Il a commencé, alayhi salam, à aligner les rangs des muslimines. Après cette nuit qu'il a passée dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal et dans la salat, et il a tellement invoqué Allah subhanahu wa ta'ala que son vêtement supérieur, son rida, est tombé de ses épaules et que ses épaules se sont découvertes. Et Abu Bakr, qui était en sa compagnie dans sa tonnelle, radiyallahu anhu, Abu Bakr, il est avec le prophète Aïssa sallam dans la grotte de Hira, il est avec lui à Mecca, il est avec lui dans cette tonnelle, et il est avec lui même dans les tombes. La tombe de Abu Bakr est collée à la tombe du prophète alayhi sallam. C'est son compagnon dans Dunya et c'est son compagnon dans l'Akhira, radiyallahu anhu. Donc Abu Bakr a dit au prophète alayhi sallam, ô messager d'Allah, Allah accomplira pour toi sa promesse. C'est-à-dire, yani, ne te fais pas de mal en invoquant Allah autant que ça et tellement que ça, yani, au point où tu vas te faire du mal. Et Allah Azza wa Jal, après toute cette nuit de prière et d'invocation, a annoncé la bonne nouvelle au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, il l'a annoncé à Abu Bakr Siddiq, que Allah Azza wa Jal lui donnera la victoire dans cette bataille. Lui donnera la victoire dans cette bataille. Et qu'il lui donnera du renfort des anges avec lui, qui combattront avec lui dans la bataille de Badr. Et Nabi alayhi sallam, pendant qu'il alignait les rangs des muslimines, il y avait un homme qui s'était avancé parmi l'Ansar, qui s'appelle Sawad ibn Ghaziya, al-Ansari, radiyallahu anhu. Il a avancé exprès. Et les rangs, bien évidemment, dans les combats, comme dans la salat, doivent être extrêmement bien alignés. On aligne les rangs dans la salat et dans les combats par rapport aux chevilles. Ça, c'est un point important. Et non pas en regardant les orteils. Il y en a, si quelqu'un a un gros pied, même si tu t'alignes avec lui, avec les orteils, au niveau des orteils, c'est aligné. Yani, au niveau du corps, ça ne sera pas aligné. Le but, c'est que le corps soit aligné avec le corps. Yani, si on peut dire, entre au niveau des axes. Et l'axe, c'est au niveau de la cheville. Al-ka'bu lil-ka'b. Wal-qadamu lil-qadam yastawi as-saff. Le rang s'aligne en mettant cheville contre cheville et talon contre talon. Et Allah Azza wa Jal, Wallahu la yanzuru ila as-saff al-a'waj, ne regarde pas la ligne qui n'est pas bien alignée, dans laquelle il y a, yani, comme une déviance, ouijaj. Et dans laquelle il y a comme des écarts, et qui n'est pas aligné, qui n'est pas bien aligné. Donc, le Nabi alayhi salam, quand il a vu Sawad ibn Ghaziya radiallahu anhu qui avançait, il l'a fait reculer avec quelque chose qu'il avait dans la main, alayhi salatu wassalam. Et quand il l'a poussé un peu comme ça, Sawad ibn Ghaziya radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, tu m'as fait mal. Et il lui a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je veux mon haqq. Tu m'as fait mal, je veux mon haqq, je te fais mal, comme tu m'as fait mal. Et le Nabi alayhi salam a retiré, a découvert son ventre, il lui a dit, vas-y, prends ton haqq. Vas-y, prends ton haqq. Et quand le Nabi alayhi salam a découvert son ventre, Sawad ibn Ghaziyya radiallahu anhu s'est jeté sur son ventre et il l'a embrassé. Nabi alayhi salam s'est étonné, il lui a dit, pourquoi t'as fait ça? Il a dit, ô messager d'Allah, tu vois à quoi on s'apprête cette bataille et on ne sait pas si on sortira vivant ou mort de cette bataille. Et j'ai voulu que la dernière chose que je touche de J'ai voulu que la dernière chose que je touche de ce monde, que ce soit ta peau. Et Nabi alayhi salam lui a fait dua. Lui a fait dua. Radiallahu anhu. Et Sawad ibn Ghaziyya a participé dans toutes les batailles qu'a mené le messager d'Allah alayhi salam. Radiallahu anhu. On voit l'amour qu'avaient ces hommes pour le messager d'Allah alayhi salam. Et une fois que les rangs étaient alignés et à l'habitude des batailles, chaque camp fait sortir un certain nombre en demandant des duels contre l'autre camp. Et là, quand en revenant au camp de Quraysh, quand Utba ibn Rabi'a a vu qu'il n'y avait pas moyen de convaincre son armée de ne pas rentrer dans son combat, et il a vu sa détermination, là, il a insulté Abu Jahl. Il lui a dit, tu dis de moi que je suis un peureux. Et il a pris la main de son frère, Shayba ibn Rabi'a, et la main de son fils, Al-Walid ibn Utba. Et ils sont sortis tous les trois. Et ils ont donc demandé des duels contre les musulmans. Et quand l'Ansar, les musulmans ont vu ça, trois parmi l'Ansar sont sortis, qui sont Aouf et Mu'awid, les deux frères, les fils de Afra. Et le troisième, c'était Abdullah ibn Rawaha, le grand compagnon, radiallahu anhu, très connu. Donc les trois sont sortis pour ce duel. Et ils leur ont dit, les Quraysh, ils ont dit, vous êtes qui? Ils ont dit, on est parmi l'Ansar. Ils ont dit, des adversaires nobles et méritants. Mais on veut les nôtres. On veut nos cousins. Et Nabi alayhi salatu wassalam a dit, Nabi alayhi salatu wassalam a dit, lève-toi, Ubaïda ibn al-Harith. Lève-toi, Hamza ibn Abdel Muttalib. Lève-toi, Ali ibn Abi Talib. Et ils sont sortis, les trois. Quand ils les ont vus, ils leur ont dit, vous êtes qui? Ils se sont présentés et ils ont dit, na'am, c'est ça qu'on veut. C'est des Banu Abdel Muttalib et des purs Quraishi. Et Ali, radiallahu anhu, a combattu Walid, le fils de Utba. Et il l'a achevé très rapidement. Ali wa ma adraka ma Ali. Et Hamza radiallahu anhu également a vaincu son adversaire rapidement. Et son adversaire c'était Shayba. Et Ubayd ibn al-Harith radiallahu anhu, Ubayd ibn al-Harith, regardez ce que le prophète a désigné. Il a désigné deux hommes, ce sont les deux premières expéditions qui sont sorties dans l'islam. L'expédition de Hamza et l'expédition de Ubaïda. C'est ces deux hommes-là qu'il a désignés avec son neveu, Ali ibn Abi Talib. Et Nabi alayhi salam, c'est lui qui l'a élevé en quelque sorte, Ali ibn Abi Talib. Il a grandi avec le prophète alayhi salam, comme on a vu dans le début de la sira, pour alléger son oncle Abu Talib. Donc il a sorti les siens. Parmi les émigrés, radiyallahu anhum tous. Et donc j'ai dit Ali et Hamza ont tué leurs adversaires très rapidement. Et Ubaïda radiallahu anhu, contre Utba, ils se sont croisés avec les épées. Et chacun a touché son adversaire. Ils étaient blessés tous les deux. Quand Ali et Hamza avaient fini avec leur adversaire, ils sont venus et ils ont tué Utba et ils ont pris Ubaïda radiallahu anhu, ils l'ont ramené dans les rangs des muslimines. Il était très gravement touché, très gravement blessé au niveau du pied. Il a eu une grave blessure qui n'a cessé de saigner jusqu'à sa mort. À un endroit, quand ils ont fini la bataille, sur leur chemin de retour, un endroit qui s'appelle As-Safra, qui se trouve à l'ouest de Medina. On va voir cet endroit parce qu'il y a des choses qui se sont passées à cet endroit, entre autres le partage des butins. Donc c'est un endroit, yani, à l'ouest de Medina. C'est là où Ubaïda radiallahu anhu est mort, c'est là où il est décédé, il a cédé l'âme à son créateur, il est mort martyr dans le sentier d'Allah. Radiallahu anhum. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le martyr dans sa voie et sur son sentier et demander à Allah le martyr car ça vous purifie de l'hypocrisie. Et celui qui demande à Allah le degré du martyr, Allah, celui qui demande à Allah le martyr, shahada fi sabilihi, Allah lui accorde le degré du martyr quand bien même il décède sur son lit. Donc, Ali ibn Abi Talib, l'imam ibn Kathir a rapporté que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il lisait ce verset, il disait, c'est à notre sujet, c'est nous qui sommes visés par ce verset. « Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim » Voici deux clans adversaires qui se sont en désaccord au sujet de leur Seigneur. Donc il a dit, ça nous concerne nous, dans ces duels contre ces têtes de la mécréance. Et ces versets de Sourate Al-Hajj, qui a été révélé à Mecca, avant la bataille de Badr, donc quand Ali radiallahu anhu dit, c'est nous qui sommes visés dans ces versets, c'est-à-dire qu'on rentre dans le sens de ces versets. Et bien évidemment, comme les savants disent, et comme l'a dit Ibn Kathir, rahimallah, ils font partie de ceux qui rentrent le plus dans le sens de ce verset. Mais c'est pas à leur sujet que ça a été révélé. Et ce sont deux choses différentes. Sabab al-Nuzul, la cause pour laquelle a été révélé le verset, c'est plus spécifique et particulier que le sens du verset. Donc lui, Ali radiallahu anhu, ici, parle du sens du verset. Et que ça les concerne, lui et ses compagnons, et leurs adversaires parmi les mécréants. Et ça vient souvent dans les paroles de Salaf, et même de Sahaba radiallahu anhu. Il dit, ce verset a été révélé par rapport à telle chose. Et lui, il ne veut pas la cause de la révélation, mais il veut le sens du verset. Et les savants, ils ont des éléments qui sont étudiés dans Usul Tafsir, qui leur permettent de faire la distinction entre ce que c'est une cause de révélation et ce qui fait partie de l'explication du verset. Et ensuite, la bataille a été déclenchée et le combat s'est intensifié et Allah Azza wa Jal a fait descendre la victoire et le prophète alayhi salatu wa salam a redoublé d'efforts dans l'invocation d'Allah et n'a cessé de le supplier et de l'implorer d'une manière extrêmement forte au point comme on a vu son vêtement est tombé, son vêtement supérieur, rida, avec laquelle il couvre la partie supérieure du corps, est tombé, et que Abu Bakr radiallahu anhu a remis son rida et lui a dit au messager d'Allah, yani, ça suffit comme imploration de ton Seigneur accomplira pour toi sa promesse. Et Allah azzawajal, et le prophète alayhi sallam a dit parmi ce qu'il a dit, il a dit Allahumma in tuhlik hadhi, Allahumma in tahlik hadhi al-isaba la tu'bad fil ard. Il a dit wallah, si ce groupe, il visait ses compagnons, ceux qui étaient sortis avec lui, ces 300 et quelques hommes, si jamais ils périssent, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Et ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Et rappelez-vous, quand vous demandez secours et vous implorez secours à votre Seigneur, il vous est répondu, il a répondu, je vous accorderai 1000 anges en renfort, succédant aux vagues, les uns après les autres. Et Nabi Isa Salam a baissé un peu sa tête, et comme si il a fermé les yeux pendant un petit laps de temps, après il a haussé sa tête, il a dit, bonne nouvelle, ya Abu Bakr, bonne nouvelle, ya Abu Bakr, voici Jibril qui descend du ciel sur ses incisives, la poussière. Et les anges sont descendus, et Allah Azza wa Jalla a accordé ce renfort d'anges aux compagnons radiallahu anhum. 1000 anges, comme c'est cité dans ce verset. Après, il y a des divergences selon la compréhension des versets qui ont été rapportés à ce sujet. Est-ce que c'est uniquement 1000 anges, ou est-ce que c'est 3000, ou est-ce que c'est 5000? Les trois sont cités dans le Coran. Mais est-ce que 1000 c'est pour Badr, et 3000 et 2 et 5000 pour Uhud, ou les trois sont pour Badr uniquement, ou 1000 et 3000 pour Badr et 5000 pour Uhud? Les trois avis sont cités par les savants. En tout cas, Allah Azza wa Jal a donné des renforts aux compagnons radiallahu anhum et a fait descendre les anges et leur a enseigné comment combattre. Comment combattre? Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné aux anges comment combattre. Ils étaient également armés. Les anges, radiallahu anhum, et ont participé dans cette bataille. Les savants disent que les anges n'ont participé dans une bataille que la bataille de Badr. Et dans les autres batailles, ils étaient présents, mais ils n'ont pas participé. C'était un renfort, comme un renfort de secours. Mais ils n'ont pas participé. Ils ont participé uniquement dans la bataille de Badr. Et l'imam Ibn Kathir a cité un point par rapport à Kuffar Quraysh, et on l'a vu, mais comme il l'a cité ici, je vais le citer une deuxième fois, c'est que quand Kuffar Quraysh se sont préparés à la sortie pour cette bataille, une fois qu'ils sont sortis, ils ont pensé à leurs ennemis, les Banu Bakr, desquels la tribu de Banu Mudlij. Et ils ont pensé à la haine et l'animosité qu'il y a entre les deux clans, et que sortir en grand nombre comme ça, avec les hommes et les guerriers et les combattants, et laisser les femmes et les enfants et les biens derrière eux, ça peut être une occasion pour cette tribu adversaire de les attaquer pendant leur absence et de prendre leurs biens et leurs femmes. Et ça, yani, ça a failli les empêcher de sortir. Et là, Iblis s'est montré à eux dans l'apparence d'un homme qui s'appelle Suraq ibn Malik ibn Ju'shum, le maître des Banu Mudlij, de cette tribu de Banu Bakr. Et il leur a dit, moi je suis garant que personne ne touchera vos biens ni vos familles pendant votre absence. Et il les a encouragés à poursuivre ce qu'ils avaient envie de faire, et à la sortie dans cette bataille. Et par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Shaitan leur avait alors rendu belles leurs actions en disant, nul homme ne vous vaincra aujourd'hui et je suis votre soutien, c'est-à-dire votre soutien contre toute attaque de la part des Banu Bakr. Et lui, c'était leur maître. Donc s'il dit ça, personne ne va ni les attaquer pendant leur absence. Puis, lorsque les deux troupes se firent face, la troupe des mécréants et la troupe des muslimines dans Badr, il tourna les talons. Il a pris la fuite. Il a dit, je vous désavoue, car je vois ce que vous ne voyez pas. Il a vu les anges descendre du ciel avec les armes. Je crains Allah, et Allah a la punition très, très dure. Et ça, la leçon qu'on puisse tirer de ça, c'est comme ça qu'agit Shaitan avec les fils de Adam. Il embellit le faux et le batil, et quand ils tombent dedans, ils se désavouent d'eux et ils les abandonnent. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut être en garde, et c'est une leçon très très importante que Shaitan y embellit la chose, le faux et le mal. Mais une fois que tu es dedans et que tu tombes dedans, il s'éloigne, il part et il t'abandonne et même il se désavoue de toi. Et quand le combat a commencé, les compagnons radiallahu anhum, l'un d'entre eux, quand il voulait tuer son adversaire, le voilà qui voit, sa tête elle se coupe avant qu'il le touche avec son arme. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de compagnons, radiallahu anhum. Où un membre est coupé de ce mécréant. Et Allah Azzawajal, comme on l'a vu dans cette bataille, il a permis, il a accordé la victoire aux croyants. Et il leur a permis de vaincre leurs ennemis. Et parmi les conseils qui ont été donnés par le prophète alayhi salatu wasalam, également juste avant le début de la bataille, c'est qu'il leur a dit, préservez et économisez vos flèches et gardez-les jusqu'à ce qu'ils s'approchent de vous. Jusqu'à ce que, quand vous allez vous affronter, ne commencez pas tout de suite par lancer des flèches. Ça, c'est parmi les techniques de guerre que le Nabi alayhi salatu wasalam leur a données. Dans cette bataille, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il leur a dit, économisez vos flèches et attendez qu'ils s'approchent. Et dès que vous pouvez les atteindre avec les flèches, yani ils deviennent proches, yani chargez-les en flèches. Et c'est ce qu'ils ont fait, radiyallahu anhu. Et ils les ont chargés en flèches jusqu'à ce qu'il ne restait que quelques pas entre eux et les kuffars. Et c'est là où ils ont sorti leurs épées. Et que ils ont commencé à combattre, radiyallahu anhum. Le Nabi alayhi salatu wasalam également, à un moment dans la bataille, il a dit à Ali, radiyallahu anhum, donne-moi une poignée de terre. Il lui a donné une poignée de terre qu'il a jetée sur les visages de Kuffar Quraysh. Il ne restait personne parmi eux sans qu'il ait de la poussière dans les yeux. Sans qu'il ait de la poussière dans les yeux. Et ça, c'est la signification de la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et c'est pas toi qui as lancé quand t'as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Yani cette poignée de terre dans Sourate Al-Anfal. Sourate Al-Anfal, comme je vous ai dit, c'est une sourate qui décrit la bataille de Badr du début jusqu'à la fin. C'est une sourate exclusive à la bataille de Badr, au point où certains sahaba l'appelaient, ils appelaient sourate Al-Anfal Sourate Badr. D'autres l'appelaient Sourate Al-Qital, parce que c'est le premier Qital qui a eu lieu dans l'islam, le premier combat. Et elle a d'autres noms également. Dans les débuts de cette bataille également, parmi les points que les savants citent, c'est l'histoire d'un sahabi qui s'appelle Umayr ibn al-Hammam, Umayr ibn al-Humam, afwan, Umayr ibn al-Humam, radiyallahu anhu, parmi les Ansar. Il avait quelques dattes dans la main qu'il a commencé à manger pour prendre des forces juste avant le démarrage du combat. Et il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam annoncer la rétribution d'Allah et annoncer le paradis à ceux qui combattent dans son sentier. Il a dit un paradis dont la largeur est égale aux cieux et à la terre. Il a dit au messager d'Allah, la largeur est égale aux cieux et la largeur est égale aux cieux et à la terre. Il a dit oui. Il a dit, quelle longue vie si je reste jusqu'à manger ces dattes. Et il a jeté ses dattes et il est parti, il a combattu, il a été tué, martyr, radiyallahu anhu. Et dans cette bataille, le grand ennemi d'Allah, Abu Jahl, dans cette bataille, comme ceci a été rapporté par Abdurrahman Nu'auf, radiyallahu anhu, il a dit, pendant que j'étais dans les rangs des muslimines, il y avait à ma droite et ma gauche deux jeunes parmi l'Ansar. Et en lui, Abdurrahman Nu'auf, il dit, j'aurais préféré avoir deux hommes plus forts et plus costauds que ces deux jeunes. Et Ali, il aurait préféré avoir deux hommes plus forts, plus costauds que ces deux jeunes. Et d'un coup, un des deux, Ali lui a dit, « Oh mon oncle, est-ce que tu connais Abu Jahl ? Tu reconnais Abu Jahl ?» Il a dit oui. Il lui a dit, « Il est où ?» Dans les rangs des ennemis. Il lui a dit, « Pourquoi tu cherches à savoir où est Abu Jahl ?» Il a dit, « J'ai entendu qu'il faisait du mal et qu'il a insulté le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à Mecca. » Il lui a dit, « Par Allah, si je le vois, je ne le quitterai pas jusqu'à ce que l'un d'entre nous décède. Celui pour lequel d'entre nous, pour qui c'est prédestiné la mort le premier, va mourir. Mais sinon, je ne le lâcherai pas. Jusqu'à ce que je le tue ou il me tue. » Et dès que le combat a commencé, Abdurrahman ibn Auf a aperçu Abu Jahl. Il leur a dit, voilà l'homme que vous cherchez, Abu Jahl. Et ils sont partis vers lui, à deux, et ils l'ont tué avec leurs épées. Et à la fin de la bataille, ils ont commencé à se disputer, ces deux jeunes. Yani, les deux jeunes, c'est Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh. Et le deuxième, c'est Mu'adh ibn Afra. Les deux s'appellent Mu'adh. Et c'est parmi l'Ansar. Ils ont commencé à se disputer, ils ont dit, chacun prétendait que c'était lui qui l'a tué. Et ils étaient voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Chacun disait que c'est lui qui a tué Abu Jahl. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il leur a dit, est-ce que vous avez essuyé vos épées? Ils ont dit non. Il a dit, alors, tous les deux vous l'avez tué. Et il a donné le butin de Abu Jahl à Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh, à un des deux. Il y en a, quand quelqu'un parmi les musulmans tue un mécréant, c'est lui qui récupère ses affaires, ni le butin de cet homme en particulier. Et c'est comme ça que le grand ennemi qui était décrit dans un hadith par le prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Abu Daoud, il a été décrit comme le pharaon de cette communauté. Le pharaon de cette communauté. Également, on finit avec Umayya ibn Khalaf, qui a eu une histoire dans cette bataille. C'est que cet homme, Il était ami avec Sa'd ibn Mu'adh. Il était ami avec Sa'd ibn Mu'adh avant l'islam. Et quand Sa'd, il allait à... Quand il allait à Mecca, c'est lui qui l'hébergeait et il restait chez lui. Et quand lui, il venait à Mecca, également, c'est Sa'd radiallahu anhu qui l'accueillait. Et donc, il était avec lui un jour et il parlait du prophète, alayhi sallam, il lui a parlé du prophète, alayhi sallam, et Sa'd radiallahu anhu lui a dit que le Nabi, alayhi sallam, nous a dit qu'il va te tuer et que tu vas mourir. Et depuis ce jour-là, cet homme a eu très très peur et il n'est plus jamais sorti dans une bataille, jusqu'à la bataille de Badr, dans laquelle il ne voulait pas sortir au début. Mais ils ont tellement insisté, Abu Jahl et autres, qu'il s'est dit, je vais sortir un peu et je reviens. Il est sorti, il est resté avec eux. Et ce jour-là, il a été tué, ce grand ennemi d'Allah, également parmi les têtes des mécréants. On a vu que les anges ont participé, et parmi les histoires qui sont bien évidemment rapportées authentiquement, ni qui ont eu lieu dans cette bataille, c'est l'histoire de l'Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. L'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était dans les rangs des mécréants. Et l'Abbas, radiallahu anhu, a été capturé par un jeune compagnon, parmi l'Ansar. Il a été capturé par un jeune compagnon parmi l'Ansar. Et c'était pas quelqu'un de costaud. Il était petit de taille. Contrairement à l'Abbas, radiallahu anhu, la famille du prophète, alayhi salam, ils sont costauds. Ils sont balèzes. Quand vous voyez Hamza, sa description, l'Abbas, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salam, lui-même, c'était des hommes, yani, remplis et forts. Et Abdullah ibn Abbas, le fils de l'Abbas radiallahu anhu, il lui a dit, comment ça se fait que cet homme t'a capturé le jour de Badr et t'a pris par la main et t'a emmené jusqu'à le prophète alayhi salam. L'Abbas lui a dit, ne dis pas ça au mon fils. Et dans d'autres versions, quand ce Ansari est parti voir le Nabi alayhi salam et il a dit que c'est lui qui a capturé l'Abbas, l'Abbas lui a dit, non, messager d'Allah, c'est pas lui qui m'a pris. C'est un homme avec un très beau visage sur un cheval qui était sur un cheval dont les pieds sont blancs. Dont les pieds sont blancs. Et je ne le vois pas maintenant dans tes rangs. Et Nabi alayhi salam, et l'Ansari, il a dit, non, messager d'Allah, c'est moi qui l'a capturé. C'est moi qui l'a capturé. Le Nabi alayhi salam lui a dit, Allah t'a aidé avec un noble ange avec lequel Allah t'a aidé dans sa capture. Rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmad dans le Musnad, avec une chaîne de transmission authentique. Un ange du 3e siècle, ça a été rapporté également dans un hadith dans l'authentique de l'imam Muslim, un ange parmi les anges qui ont participé dans cette bataille, un ange du 3e siècle qui s'appelle Hayzoum. Ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Voilà pour aujourd'hui et on n'a pas fini encore. Il y a encore des choses à voir. Et bi'idnillah, le prochain cours, nous allons terminer la bataille de Badr bi'idnillah. Qu'Allah nous fasse profiter de ce que nous lisons et de ce que nous apprenons et nous facilite la mise en pratique de ce que nous apprenons et qu'on reste sur cette voie bénie, la voie des compagnons radiyallahu anhum jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته